couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy ou 94.2 sur Fadjet.net pour votre demi-heure avec les artistes de la région et j'ai même envie de dire de la grande région. Coucou à nos amis d'Alsace, de Champagne-Ardenne, partout ailleurs sur les réseaux internet, 94.2 FM à Nancy, Fadjet.net, Facebook, Fadjet-du-6, Couleur Locale. Que vous nous écoutiez samedi à 13h ou dimanche à midi, je vous souhaite un bon appétit. Votre estomac est contenté. C'est bon de manger. Le palais est content. Et nous, on va vous nourrir. On va vous nourrir autrement. On va nourrir votre âme. On va nourrir votre esprit, vos énergies, peut-être votre spiritualité. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va nourrir autre chose que votre ventre. Et on en est désolé. Bon appétit en musique. En tout cas, j'ai le plaisir de recevoir un duo. Ils font du rap, du reggaeton. Voilà, ça sonne, c'est de la musique d'été, c'est sympa. Exactement. C'est L2S, en tout cas c'est le titre de l'EP et du projet. C'est composé de Korak. Yes. Korak. Bonjour à tous. Ça va Korak? Bah écoute, très bien. Tranquillou. Très bien et toi? Eh ben ça va, et nous sommes avec Jorms. Enchanté, bonsoir tout le monde. Bonjour. Voilà, yeah. Ça fait un moment qu'on échange sur WhatsApp. On essaye. Mon petit Jorms, et ben voilà, c'est un plaisir d'être là en tout cas. Et ben c'est un plaisir de vous recevoir. Alors petit fun fact, chers auditeurs, vous savez, Pierre au micro, nous avons Korak qui s'appelle Pierre-Jules. Et nous avons Jorms qui s'appelle Jules, et son deuxième prénom est Pierre. Alors si vous êtes perdu dès maintenant, voilà, il y a du Jules, il y a du Pierre, mais il y a surtout du jus musical avec incroyable. L2S. C'est incroyable, les transitions, on est quand même bon sur Fadjet. Interview <C'est... rire> et trois morceaux qu'on écoutera de l'EP 4 titres. Donc quand même, t'as trois morceaux sur 4, vous êtes gratinés les auditeurs, ils sont gratinés c'est quand même. Exactement, hein. Allez, à vous d'aller voir le dernier, hein. C'est le but. Voilà, à vous donner l'eau à la bouche. Suspense pour, voilà. Pour donner envie d'écouter le dernier. Pour c'est donner envie d'écouter le dernier. Alors vous êtes en pleine phase de réseautage, vous êtes un peu partout et un peu nulle part pour l'instant, ça démarre. Hein. C'est un peu ça, ouais. On a Jarms qui est sur Instagram, J-A-R-M-S. C'est ça, J-A-R-M-S. Ouais, tiré du bas, c'est pour ça que je t'ai pas trouvé la première fois. Retrouvez-moi, ça doit être des fois c'est un peu chaud. Et on a Korak qui est sur Facebook. Ouais, sur Facebook et sur Instagram aussi. Et sur Instagram mais aussi. Mais moi aussi, il y a des tirés du bas, c'est un peu chiant. Arrêtez avec vous vos tirés. Vous tapez Korak, vous trouvez. On n'a pas le choix, mais si on tape Korak, ça devrait trouver. Arrêtez, s'il vous plaît, avec vos tirés, s'il vous plaît. Fadjet Couleur Locale, c'est tous les samedis 13h, les dimanches à midi sur Fadjet. Podcast à la clé sur Fadjet.net, mais on n'y est pas encore. On est là pour parler de vous et de votre projet. Alors déjà, petite question normale, L2S, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux Suisses. Bah écoute, les deux Suisses, c'est comme ça, on s'appelle Mon Suisse depuis un petit moment. Mon Suisse. Savoir d'où ça sort, impossible. Impossible. On va laisser le petit mystère. Le premier c'était lui, après c'était moi, donc maintenant on est deux. Vu qu'on s'appelle Mon Suisse tout le temps et du coup bah, les L2S, deux Suisses hein. L2S voilà, ça me fait parce qu'il y a des gens qui s'appellent Mon Sauce. Ouais, je sais peut-être pas, peut-être une petite inspiration là, vous voulez la vérité, la vraie vérité, vas-y John. À la base ça vient de mon petit Suisse, c'était en primaire, c'était un petit délire et puis je sais pas pourquoi je l'ai ressorti en même temps avec sa gueule là, tout le monde pense qu'il est Suisse, donc c'est parfait. Et c'est vrai que du coup tout le monde y croit. C'est vrai que Korak a une petite gueule de Suisse quand même. On est d'accord, le blond, en plus il va doucement, il va doucement. De toute façon on va suivre ton compte, ta page Facebook et on verra ta tête. C'est pas très radiophonique. Hein. C'est beau gosse. Effectivement, ouais, à la radio, on voit pas ma tête là. C'est un tombeur. C'est un tombeur. Alors j'espère que t'es un tombeur physique, mais que t'es un tombeur. Vous êtes des tombeurs musicaux. Avec musicaux, s'il te plaît. On accorde quand même. On parle français. Okay, on se calme. Alors L2S, c'est le nom du projet, c'est le nom du premier EP. Il y a 4 titres. Alors j'ai dit, c'est du reggaeton. On donne toujours des étiquettes. Ouais, en tout cas, quand on écoute. Ça. Mais moi, j'aime bien avoir aussi l'avis des artistes. Comment vous définiriez votre musique? Justement, ça, Korak, c'est que on fait vraiment un bon mélange de styles, quoi. C'est ça. On a une bonne inspiration rap, effectivement. Pourquoi se mettre dans une case, sachant qu'on peut tout faire, juste tout faire. Un peu de vibe qui nous ressemble, et puis années 80, funk. Voilà, c'est ça. Des trucs qui bougent quand on est tous les deux, ça fait plaisir. Des styles un peu différents quand on est en solo, mais. C'est vrai que l'étiquette trucs qui bougent, c'est bien. C'est trucs qui bougent, son de l'été, moi j'ai écouté. Alors, je te l'ai dit, Korak, en off, je suis plutôt métalleux, celteux. Ouais, je suis moins dans ce domaine-là, mais ça bouge, c'est bien pour l'été. C'est quand même bien. Alors, qui fait quoi dans le projet Bah déjà, on écrit tous les deux à la base. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi sur des petits freestyles, etc. Mm-hmm. Mais l'homme que vous voyez en face de moi, là, est un expert en ingé son, en ingénierie du son. Et on a monté un petit studio, là, qualité. Je te laisse le vendre. Ouais, j'ai mon studio chez moi. Du coup, on enregistre tout chez moi. Et la classe, c'est moi qui mixe tout ça. Et c'est ça. Il y a de la mousse partout. Il touche un peu quand même. C'est le gros bordel de câbles, de même trucs. Même pas, tant que pas. Non, c'est rangé un peu, mais ça va. Non, au contraire, on a fait ça bien et non, ça fait plaisir. C'est de l'autoproduit, mais qui est déjà sur toutes les plateformes. Hein. Vous connaissez Deezer, Spotify, Tinder, Grindr. Exactement. Tinder un petit peu, je crois que j'ai vu. Non, je plaisante. Ok, L2S. Bah écoutez, une musique vaut parfois mieux que 10 000 mots. C'est vrai. Et ça tombe bien parce que dans Couleur Locale, on a 10 000 mots et 3 musiques. J'ai essayé de faire une transition sur la première musique qu'on va écouter. Mais malheureusement, je crois que je ne suis son père pour arriver à faire des transitions. C'est quand même beau, ça. Oh là là. Ouais, c'est beau. C'est magnifique. le titre s'appelle évidemment Son Père. C'est Personne en Verlan, je pense. Non. Si, c'est ça, ouais. Non, le mec qui me dit non, quoi. Oh, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Alors, je vais vous poser une question que je pose à absolument tous les artistes qui chantent en français. En général, cette question-là, il y a deux réponses. Cette question, c'est de quoi parle le morceau ? Alors, soit on me répond, les auditeurs, ils ont qu'à écouter, parce que bon, ils vont écouter, mais voilà. Ou soit, effectivement, on me fait un petit teaser pour les laisser. On va les accompagner. Les accompagner. Alors, je sais pas, Jarms ou peut-être Korak, qui veut parler de Son Père ? Eh bah, comment vous dire ? Son Père, c'est un peu, un peu l'état d'esprit qu'on a. On s'est un peu fait de nous-mêmes. Malgré les vents, les marées, les petits inconvénients qu'on a pu rencontrer, le travail, la vie personnelle, etc. Et donc, vous entendrez bien dans le refrain, mais on a besoin de personne, sauf de ceux qui veulent bien écouter nos performances. Eh ben, en tout cas, ils sont là. Bien résumé. Ils sont là pour vous écouter, les auditeurs de Fadjet, sur couleur locale, sur Radio Fadjet. Il a à peu près 13h07 que vous nous écoutiez, samedi midi 7 que vous nous écoutiez, dimanche on n'est pas en direct, on s'en fout, alors on dit des conneries, on fera du montage, on s'en fout, on fait pas de montage, on écoute bon. Son Père de L2S, les deux Suisses, Korak et Jerm sur Fadjet dans Couleur Locale. Qu'on a un peu de retard, je me dis que c'est rien. Mais on pourra toujours le rattraper. Et même sur la pro, t'entends qu'on est serein. Pour vous, la pilule sera dure à avaler. Car ce monde est fait pour tant de malades. Donc on est là pour le dégommer. Sur votre système, moi je me balade. J'avance tout droit sans slalomer. Rien peut nous écarter, tu peux c'est qu'on s'occupe. Tel est l'avenir qu'on s'efforce d'affronter pour s'offrir la vie. Qu'on soit fait au bon place, rien nous empêche de ne pas se taire. Afin d'exprimer ce qui nous appuie sur le cœur. Tout cela pour qu'on s'écarte du chemin qu'on a décidé d'emprunter. C'est vous qui êtes en retard, je plonge dans les temps. C'est qu'on met du jacrioté, du genre humain et qu'on compte sur notre carrière en indé. Quand on est deux, on n'arrête pas le progrès. Pas de problème, on y arrivera en vie pour ça, un peu comme la bohème. Notre TOM, tel des phénomènes naturels, on est exogène. Tel ces phénomènes, si on va monter, ça va choquer comme le kérosène. Il faut tout pour nous écarter. Mais il faudrait nous suivre, on a déjà tracé. Très loin de là, personne pourra nous rattraper. Vas-y démarre, on va tanner le réservoir et disparaître dans les limbes. Ou bien j'entournerai dans la jungle. Là où j'ai plus rien à craindre. Mais la lumière pourra s'éteindre. Disparaître dans les limbes. Ou bien j'entournerai dans la jungle. Là où j'ai plus rien à craindre. c'est qu'on a besoin de Sam Père. On compte même plus les sommes de Sam perdu dans la musique et la verte. Pour les oublier, ouais, y'a la musique et la verte. Sam Père, c'est qu'on a besoin de Sam Père. On compte même plus les sommes de Sam perdu dans la musique et la verte. Pour les oublier, ouais, y'a la musique et la verte. Son Père de L2S sur Fadjet dans Couleur Locale. J'espère que vous passez un bon moment, chers auditeurs, au 94.2 FM à Nancy sur Fadjet.net et que nos invités du jour, Korak et Jerms de L2S, passent un bon moment. En tout cas, nous, quel ouais. plaisir. Complètement, ouais. Ouais, complètement. Complètement. C'est un kiff d'être ici. Les locaux, c'est un kiff Fadjet. Eh, c'est beau. Ouais. C'est quand même beau. J'ai même pas mis la clim en plus. C'est vrai qu'il fait un peu chaud là. Il fait un petit peu chaud. Fire, ah, on mettra la clim. Pendant. Alors, c'est une première musique. Voilà, Son Père. On est. Ouais. On a besoin de personne. C'est l'intro. Exactement. Et c'est on c'est y l'intro. Va, quoi. On voilà. a besoin de personne et on fait, et on ah, fait son d'ailleurs, projet. Petite anecdote sur oui, celle-ci, c'est nous qui avons fait la prod. Ah, mais oui, comment oublier ça. C'est ouais, parce que vous avez une équipe quand même derrière qui masterise. Non, non, vous êtes vraiment tous les deux. Ouais, ouais. Bah, si, j'ai un pote sur Nancy quand même qui fait les masters. Pour le master. Qui fait les masters et tout. Que ce soit bien, mais c'est moi qui fais le mix quand même. Ouais. Mais la prod, celle-là, c'est nous qui l'avons fait. Instrumental aussi. Les deux. Vous vous connaissez depuis longtemps, j'imagine. Ah, ouais. Pas tant que ça, mais j'ai l'impression que ça fait 20 ans, tu vois. Ça fait 20 ans. Ça a commencé comment, cette collab? Ah, ça fait au moins 5-6 ans. Hein. C'était... Ouais, c'est vrai, c'est en fait, vrai. On s'est rencontrés à la fac, ouais, à la fac ouais. de sport. 2000... Enfin, en vrai, on a commencé vraiment à se fréquenter, je dirais, 2018-2019. Ouais, c'est ça. Quelque 2019. Chose comme ça. Ouais, et ça doit faire 5 ans, du coup. C'est ça. Depuis 2020-2021, on a eu ce projet... par passion, hein, tout ça. Par passion. Passion de la musique en général ou, ouais. ou accroche sur le rap, le reggaeton, des trucs comme ça. Ouais, bah lui, très musicos déjà. Ouais. Bah, dès le début, c'était vraiment full rap. Mmh. Au début, full on commençait rap. À faire des freestyles tous les deux, on rappait, c'est machin. Ouais. Et après, à force de découvrir des prods différentes, des styles différents. Découvrir qu'on pouvait chanter un peu, ouais. on a dit, vas-y, on teste des choses. Ok, donc le rap là, c'est ça vous dit quoi. Ouais, franchement. En deux trucs qui vous lient. Ouais, puis on a toujours été un peu comme cul et chemise. Hein. On va pas se mentir. Donc, pourvu que ça dure un peu dans comme le boulot. Cul et chemise. C'est alors le titre d'une chanson ouais, d'Anne ça. Sylvestre. Vous en avez absolument rien à foutre. Paix à son âme. Je n'ai pas là, ouais. C'est très très loin du rap. Alors justement, comme j'ai en face de moi deux fans de rap, on va faire un petit top flop. Je vais vous citer des noms de rappeurs et vous allez me dire si c'est top, ça m'inspire. Flop, ça m'inspire pas. Mm-hmm. Ou le pire, si vous connaissez pas, dans ce cas-là, vous êtes nul. Ouais, je crois que c'est ça. Mais après, je suis pas un grand fan de rap, alors je vais vous citer des mecs que vous allez probablement connaître. Voilà, un mec, je sais pas, MC Solar par exemple. Ah, quand même. Ah si, grande plume. Ouais. Ouais. Pour le coup, toi, ouais. Je vais pas dire que je l'ai beaucoup dans ma playlist, mais niveau familial, ça en a écouté beaucoup et ça inspire beaucoup. Et ça inspire beaucoup. Voilà. Plus on peut rien lui enlever, comme c'est vrai. Ouais. Ouais. Même si c'est vrai que c'est pas ce que j'écouterais tous les jours. Mais sympa d'avoir ressorti des sons un peu plus récemment. Là, je les ai écoutés. Donc, quoi top flop. De quoi non, top, un top quand même. Plus un top pour les deux. Même dans l'histoire. Ouais, un top. Un top pour les deux. Qu'est-ce que je pourrais vous sortir? J'essaie de trouver des rappeurs qui sont un peu dans votre style. Parce que MC Solar, c'est déjà un peu plus old school. Ouais, c'est très old school. Très instrumental. Un peu parfois pas traditionnel, mais des fois avec des instruments un peu plus acoustiques derrière. Il y a des morceaux, voire même électriques. Un mec, alors ça va peut-être vous faire rire, mais que j'ai reçu en radio. Justement, en 2021, j'ai fait un enregistrement Zoom. Il était sur son canapé. C'est Kamini. Merci le Covid. Kamini. Ouais. Oh. Putain, à l'ancienne. Lui, c'est humoristique. Ouais. Ah oui, non, j'allais dire. Dans la musique, Kamini. Ouais, ok. C'est Marc Gaumont. Je vois sa tête en tout cas. Un top, un flop, un bof. Moi, je vois juste sa tête. Franchement. Moi, top, parce que franchement, je kiffe son délire, justement, qui ramène un truc rigolo. Ouais. Et que les gens, justement, ça fait rire, tu vois, c'est pas. Il se prend pas au sérieux. Et un c'est peu un comme mec... nous, au final, mais pas autant. Ouais. Et c'est un mec que j'ai reçu justement sur Fadjet, sur Radio Fadjet 94.2 FM Nancy, Fadjet.net. On est déjà à la moitié de l'émission. Finalement, une grande inspiration L2S que vous pouvez me citer, Jarms, toi. Une grande. Juste pour le EP? Je crois pas. Ah. Hein, c'est vraiment. Non, de tout, je pense. Ah ouais, en tout. Général. Ouais. Ah, je sais pas, moi je suis un grand fan de L'Homme-Pal. C'est un des. Ah, c'est quelqu'un que j'aurais pu citer. Des grands qui m'a inspiré. Ouais. Après, j'ai eu ce problème, moi, c'est que depuis que je fais de la musique, je n'en écoute plus. Donc voilà, je comprends. Pas que je ne respecte pas ce que font les autres. Au contraire, j'adore en découvrir des nouveaux, mais non, je suis resté sur les anciens, je dirais. Nekfeu, L'Homme-Pal, Giorgio aussi, fut un temps. encore un peu aujourd'hui, mais. Non, voilà. Mais l'homme pas, il est encore d'actualité quand même. Ouais, c'est pour ça. Ah. On y était il y a pas longtemps d'ailleurs. C'est excellent, vrai, excellent. Voir, Et toi, Korak? Moi, je serais à fond dans. Bah, je sais pas si tu connais, mais Lailo. Non, je connais pas du tout, non. Mais ça me donne envie avec le nom. Celui-là, avec le nom. Non, mais en tout cas, lui, ouais, ça, c'est ouais. Ouais. Grande inspiration. Niveau mélo, tout ça. Ouais, c'est ça, ouais. Niveau univers aussi, oula, ma voix. Niveau univers et tout, il a un univers particulier. Tu univers rentres dans un. Et il te raconte des histoires, c'est incroyable. Alors, moi, j'aime bien les processus créatifs. Donc, je vais vous poser une dernière question. Il faut que j'arrête de dire je pose une question parce qu'on m'a déjà dit. Faut pas dire je pose une question parce que c'est pas professionnel. On s'en fout. Questionne-nous. Je vais vous poser une dernière question avant qu'on fonce vers une deuxième musique. Et cette question est la suivante. Alors, moi, je suis musicien aussi, j'écris aussi et je me pose toujours cette question. Qu'est-ce qui vient en premier en général? Est-ce que c'est la musique ou est-ce que c'est les paroles? Alors, compliqué ça comme question. Pour le coup, quand la composition est aussi sur l'instrumental, c'est la première inspiration, c'est la musique. La musique. Après, on va se donner un univers grâce à cet instru, un rythme avec le BPM, etc. Et après, chacun dans son coin. C'est vrai que maintenant, voilà, vu qu'on travaille un peu plus avec nos instrumentales, ça se fait comme ça. Mais avant, enfin, on le fait encore toujours, mais quand on prend des instrumentales sur Internet. On les trouve, bah là c'est plus la mélodie qui vient en premier quoi. Allez, on mélodie. Trouve une mélodie de la voix et après on. Et la mélodie inspire finalement. Ouais, les paroles. Ouais, les paroles, les thématiques. On y reviendra après. Mais oui. C'est lui là, il trouve toujours des refrains directs quand on a une prod. Alors forcément il fredonne et après on doit se caler sur son refrain. Là. D'accord, il est ouf. Heureusement qu'il est bon. Hein. Il est bon. On rappelle L2S, les deux Suisses, Korak sur Facebook et Instagram, Jams sur Instagram. Bientôt sur Facebook. Bientôt sur Facebook aussi. Il faut y aller, les gars, hein, c'est super important les réseaux sociaux. L2S, l'album, l'EP, 4 titres, pardon, qui est sorti sur Deezer, Spotify, Grindr, Tinder, Le Bon Coin, Auchan, Carrefour, Vinted, ouais, tous les trucs. J'ai essayé de citer plein de marques. S'il sait, ça m'écoute. Radio Fadjet. On est désolé. Radio ouais, Fadjet, maintenant, on pourra même peut-être en mettre une en diffusion permanente sur Radio Fadjet. Ce serait sympa. C'est bon, choisissez. Eh bien, on choisira, mais maintenant, je vous propose de foncer avec le titre Fonce. Alors, de quoi ça parle? Un petit teaser. Là, tout est dans le titre. Hein, là, justement, on voulait dire que on est en chemin vers, on est dans la montada et on veut pas s'arrêter. Et, donc on fonce quoi. Voilà, c'est ça. On fonce. Et on sait pas. On sait pas dire non. Donc on y va à fond. Donc quoi. On y va sans regarder derrière. Allez, on y va à fond. On regarde devant. Fadjet, couleur locale. 94.2 FM Nancy. Fadjet.net. On écoute Fonce de L2S. Serais d'avis d'abuser des évidences. Profite de la zikar et de manigance. Si tu veux ta vie, tu peux rendre trépidante. Mais tu fuis dans, dévidente, évitante. Faut mieux pas s'attarder sur tant de mise en scène. Gaffe dans le public, tu vois ta mamie danser. Tu nous verras monter comme étoile filante. Doucement, que tu sens studio à volonté. Devant tous, Saline, pour notre avenir. On m'a dit, vas-y, fonce. Et moi, je sais pas lire. Non. Le monde fait que pas lire, j'ai bien fait de pas lire. Ils m'ont dit de sortir son. Et moi, je sais pas lire. Non. Qu'on les laisse parler. Je te propose qu'on les laisse parler. Laisse tous tes problèmes dans le vestiaire. Je te propose qu'on les laisse parler. Solution se retrouve dans le bécher. Il reste plus qu'à mélanger. Non, n'écoute pas ceux qui le restèrent. À quoi bon sert de se déranger? De tous mes projets, moi je resterai. Respire, t'inquiète, ça va aller. Je serai d'avis d'abuser des évidences. Profite de la zika et de manigance. Et si tu veux ta vie, tu peux rendre trépidante. Mais tu fuis dans, dévidente, évitante. Faut mieux pas s'attarder sur tant de mise en scène. Gaffe dans le public, tu vois ta mamie danser. Tu nous verras monter comme étoile filante. Doucement, que tu son studio à volonté. Devant tous, Saline, pour notre avenir. On m'a dit, vas-y, fonce. Et moi, je sais pas lire. Non. Le monde fait que pas lire, j'ai bien fait de pas lire. Ils m'ont dit de sortir son. Et moi, je sais pas lire. Non. J'ai bien fait de pas lire. Non. Et moi, je sais pas lire. Non. J'sais pas lire, non. Et moi je sais pas lire, non. Si tu veux du neuf, vas-y prends-moi la main. T'as des moins de bonnes raisons. temps de se séparer. On t'a plus qu'à enchanter le ravin. Le temps passe, il est trop tard pour décaler. Tu reçois que des rires si tu crois en tes rêves. J'aurai toujours mes rêves pour m'accompagner. J'aurai toujours mes rêves pour m'accompagner. Nous même les yeux bandés, nous marquons à l'air. Je serai d'avis d'abuser des évidences. On profite de la zik, arrête de manigance. Et si tu veux ta vie, tu peux rentrer plus dans. Mais tu fuis dans, dividant, dévitant. Faut mieux pas s'attarder sur tant de mise en scène. Y'a dans le public, tu vois ta mamie danser. Tu nous verras monter comme étoile filant doucement. Que du son studio à volonté. Devant tout sa ligne pour notre avenir, on m'a dit vas-y fonce. Et moi je sais pas lire, non, non, non, non, non, non, non. Le monde fait que pas lire, j'ai bien fait de pas lire. Ils m'ont dit de sortir son. Et moi je sais pas lire, non, non, non, non. On vient de foncer avec L2S sur Fadjet dans Couleur Locale. Si vous nous rejoignez au 94.2 FM ainsi sur Fadjet.net et que vous avez raté le début de l'émission, c'est pas la peine de pleurer, vous n'aviez qu'à venir avant. Chers auditeurs, Pierre au micro, je vous rappelle que je suis sur Mixcloud, sur Soundcloud, Pierre Mercier Fadjet. Pour écouter toutes les précédentes émissions, je peux vous dire qu'il y en a un paquet. Est-ce que ça va toujours, mes amis de L2S, Korak? Absolument, ça va toujours. Ça groove. Il fait toujours aussi chaud, là, c'est très bien. Il fait chaud, ouais, je trouve pas la télécom. C'est la musique, ça, c'est... Donc là, on est passé, on a eu un titre un peu ouais, rap un peu actuel, rap électro, ouais. Et puis là, on est passé sur un truc bien funky. Exactement. Ça fait plaisir, quand même. Ah, ça, sur scène, c'est un plaisir. Ah, ouais, sur scène. Mais parlons-en de la scène, puisqu'il y a déjà eu un concert Place de la Carrière pour la Fête de la Musique. Yes, ouais, pour l'instant, c'est la plus grosse date qu'on a pu avoir. C'est ça. Ouais. On s'est déjà retrouvé à l'autre canal, on a fait des petites soirées gala étudiantes aussi. N'hésitez pas à nous rappeler. Évidemment, il faut rappeler les groupes locaux, il faut montrer, chers organisateurs, je m'adresse à vous, l'autre canal, la boîte à musique, je ne sais pas qui d'autre, je m'adresse à vous, s'il vous plaît, bookez les groupes locaux. On aime bien les groupes nationaux, on aime bien les gros groupes professionnels, mais il faut faire vivre les groupes locaux, d'accord quand même, oui, au bout d'un moment, surtout quand les projets sont cohérents. L2S, est-ce qu'il y a une suite là de prévu? Est-ce qu'on peut avoir une petite exclue d'un truc? Peut-être un prochain album? Peut-être des dates? Quelque chose? En tout cas, oui, moi là, je suis sur un tournage de clip, en tout cas. Ouais. J'ai pas encore la date précise, mais... C'est son meilleur son, j'annonce. Ouais. Il a déjà été fait sur scène, c'est son meilleur son. Donc toi tout seul, Korak, pour ouais. le coup. Toi tout seul, il y a un clip. C'est ça. Un peu dans le même esprit que Fonce, en plus, le son. Ouais, ça va, ça va ça, défoncer, du coup. Ah ouais. Exactement. Exactement. N'hésitez pas. Et toi, James? Et moi, James, un petit morceau sympathique sur le feu, là, à voir aussi avec les échéances professionnelles, mais on va vous mettre ça dans l'été, il n'y a pas de problème. Un petit featuring, c'est ça? Ouais, featuring. Ça, faut pas le dire. Attends, faut pas trop en dire non plus, faut laisser la surprise. Pour une fois que c'est pas lui. Mais au niveau de L2S, pour l'instant, vous restez sur ce premier EP, tranquillement, on le fait vivre, on fait de la com, voilà, on verra ça, après. Pour l'été, on le laisse un peu vivre. Ouais. Il est si bon. Les sons à deux, on en a des centaines, peut-être. Et pourquoi pas faire un petit clip, si on a le temps. Pour cette EP. C'est vrai que ça serait. Petit clip sur Fonce, là, comme ça, ça pourrait être sympa. Je lis dans mes pensées. Ambiance disco paillette, poule à facette. Pas de def. Ouais, c'est ça. Un mec au saxophone qui fait semblant de faire du saxophone qui n'existe pas sur le morceau, mais ce genre de choses arrive parfois. Mais c'est très sympa de vous avoir dans cette émission. On aura l'occasion d'écouter un dernier morceau de cette EP L2S. On rappelle Spotify, Deezer, toutes les plateformes. Est-ce qu'il y a une version physique aussi, CD ou quelque chose comme ça, ou pour l'instant non? Non, ça pour l'instant on n'est pas encore. S'il y a de la demande. S'il y a de la mais demande. Mais oui, c'est vrai qu'il y a de la demande. C'est pas si compliqué. Hein. Ouais. Si vous les dédicaces tous. Ah là là. Ouais, on met des cadeaux dedans. À la sueur de notre front aussi. J'espère pour vous que vous n'aurez pas 70 000 demandes, parce qu'au bout d'un moment vous aurez mal au poignet et pas pour les raisons. Quelle vous pouvez penser, bande de coquins. Là, je lis dans vos pensées, bande de dégueulasses. On est sur Fadjet, je rigole. On est sur Fadjet dans Couleur Locale. Le podcast sera disponible une semaine. On aura l'occasion d'écouter une dernière musique qui. Je ferai une transition parce que j'aime bien faire des transitions. Bon, on est bon sur les transitions. Et en plus, depuis que je suis avec vous, eh bien, je suis très très content et j'ai envie de vous faire jouer un petit jeu. Allez, pour conclure cette interview, carrément. Vous écrivez Alors, je vais vous donner deux situations et vous allez me dire laquelle des deux vous inspireriez le plus, l'écriture. Oh. Ou la musique, d'ailleurs. Sympa. Mais en tout cas, la composition. Okay. Okay. Première situation. Vous rentrez d'une tournée. Vous êtes éreinté. Vous êtes dans un train. Le coucher de soleil, vous le voyez par la vitre. Vous entendez le claquetis sur les rails. Peut-être, je ne sais pas, un bébé qui braille à l'autre bout du wagon. Une odeur de café. Une odeur... de cigarettes froides, des pages de journal qui se tournent. Et c'est un peu le voyage, le retour de cette tournée de concert, mais en même temps, c'est quand même une certaine avancée. La nuit arrive, le soleil se relève, et tout ça, ça vous inspire, je ne sais pas, un rap sur le changement, peut-être autre chose, je ne sais pas, mais ça vous inspire. Premier cas de figure. Okay. Deuxième cas de figure. Vous vous réveillez en pleine nuit, vous êtes dans votre lit, alors tous les deux... séparément, hein, ça, faites ce que vous voulez, pas encore. Vous vous réveillez en pleine nuit, vous êtes dans votre lit et il y a ce rêve. Il y a eu ce rêve. Et dans ce rêve, il y a eu, je ne sais pas, peut-être une histoire qui n'a aucun sens, comme beaucoup de rêves n'ont pas vraiment de sens. Peut-être que c'était simplement une mélodie dans ce rêve. Quelque chose, mais quelque chose qui s'échappe, car on sait tous que les rêves ont tendance à s'échapper dans la première minute de notre réveil. Alors vous vous levez, vous prenez un carnet, une tablette, un téléphone portable, un stylo, et vous écrivez sur votre mur, je ne sais pas, mais vous écrivez des notes, vous écrivez une parole, parce qu'il y a quelque chose qui vous a inspiré à ce moment-là. Alors, plutôt coucher de soleil dans un train retour de concert. J'espère que vous avez fermé les yeux, parce que là, on est parti croire. C'est immersif. Hein. Ouais. Ou plutôt réveil nocturne et rêve qu'on ne veut pas oublier. Moi, tu m'as convaincu avec l'odeur de café. Hein. Avec l'odeur de café, le café t'a inspiré. Oh. Ouais, le café... Ah, normal, un petit truc dans les oreilles, là. T'entends pas ? Non, ça va. On a un petit bug d'accord. dans le retour. Un petit bug dans le retour, mais tout va bien. Ah ouais, ça va le faire. Je vais poursuivre. Non, je dirais le train, parce que, pour le coup, combien de fois j'ai voyagé en train pour aller voir la famille, aller travailler. Ce petit moment où on est bercé par les rails, où on met les pieds sur le siège de devant, et puis on attend que ça vienne tout seul. Ça t'inspirerait. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Donc ça, c'est le choix de Jarms. Mais je sais ce que l'autre, il va choisir. Là. Non, c'est vrai que moi, je suis d'accord avec toi, en plus. Parce que là, il m'a tellement vendu du rêve avec tout ça. Avec le train, quoi, le voyage. C'était incroyable. Mais surtout, en l'occurrence, parce que la deuxième histoire, ça m'a déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé de te réveiller, d'avoir une l'homme mélodie de la nuit. Exactement. En me réveillant, j'avais une mélodie en tête. Je l'ai chantonnée sur mon téléphone. De l'homme pâle et l'homme de la nuit. On boucle quand même les boucles sur Fadjet dans couleur locale. Beaucoup la lumière, il est pâle. On est quand même pas mal. L2S, un petit concert peut-être à venir. Ah, figurez-vous qu'on pourrait se donner rendez-vous, c'est même pas on pourrait, c'est sûr. C'est pas se donner rendez-vous. Les Nocturnes étudiantes, fin septembre, avec une grosse scène, on vous attendra nombreux et nombreuses. Il y aura beaucoup de place, des grands artistes, franchement, tous nancéens, on les a tous rencontrés, c'est vraiment des têtes. Et donc, j'espère qu'on vous y retrouvera. Hein. Les soirées en perspective. Exact. Il faut jamais manquer les Nocturnes étudiantes. Never. Que vous soyez étudiant ou que vous ne soyez plus étudiant, en tout cas moi, je ne suis plus étudiant depuis 2014, ça fait très loin, et j'ai insisté sur le mot « depuis », puisque pourquoi c'est le titre du dernier morceau qu'on va écouter de L2S, issu de l'EP éponyme L2S, merci Korak. Bah, merci à toi. Merci James. Quel régal. C'était plaisir d'être là. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir et d'avoir un peu de rap quand même dans couleur locale, parce que ça manque... Les samedis à 13h, dimanche à midi, 94.2 à Nancy, Fadjet.net, la page Facebook, Fadjet-du-6, couleur locale, Jarms sur Instagram, bientôt sur Facebook, Korak sur Instagram et sur Facebook. On vous suit et on va écouter depuis, issu de l'EP L2S, qui est sur Deezer, Spotify, toutes les plateformes, et depuis, ça parle de quoi ? Depuis, c'est un peu... Depuis, c'est un petit peu énigmatique. C'est la soirée, c'est ce qui découlera de tout ce qu'on fait de bien, et voilà, on va laisser la deuxième option. La première option. Faites-vous votre propre opinion. Et on écoute ça depuis de L2S sur Fadjet dans couleur locale. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec je ne sais plus qui. Vous verrez bien, c'était Pierre au micro. À bientôt sur Fadjet dans couleur locale. À suivre. Salut. Votre programmation musicale éclectique. Ciao, ciao. Depuis le temps du chien, ça encore. Mais là-bas, les jets dans ton corps. C'est que je les donne dîner. j'ai pas le temps de m'aider. Mon veau sert de tous ces trucs qui me tracassent. Peine dans le cendrier, c'est pas le tout vrillé. Il ne faudra pas trop pour faire des trop concerts. Ces clés de Suisse font la paire et qu'aucun compte pourra nous stopper. Il va suffire pour tailler ton compte. De moi pour me demander de le faire, j'écouterai pas, tu me l'as ordonné. Viens pas te porter, tu vois comment. Depuis le temps tu cherches encore. La balle est déjà dans ton camp. Pendant que certains fument, fument sur le doré. Certaines n'attendent que le premier pas pour s'élancer et danser. Pas besoin de machine à fumer, rien de tes naturels. Et je peux t'assurer qu'on profitera nos vies sans attendre. Pendant que certaines fument, fument sur le doré. Certaines n'attendent que le premier pas pour s'élancer et danser. Il faut qu'on s'en mette une peu cadeau. T'imagines bien qu'on s'arrêtera pas plus tard qu'on attend. Je sens le caractère d'un rital. Devant moi je vois ma vie dans l'horizon. À la folie, señorita. Mais je ne pourrai jamais te donner raison. Donc on sera toujours dans l'impasse. Pas l'impression qu'on se comprenne, moi je fais semblant d'écoute. On parle pas la même langue, c'est ça. Devant nous, le ciel est ensoleillé, c'est pas la peine de bouder. Depuis le temps, tu cherches encore. Mais la balle est déjà dans ton camp. Pendant que certains fument, fument sur le doré. Certaines n'attendent que le premier pas pour s'élancer et danser. Pas besoin de machine à fumer, rien de tes naturels. Et je peux t'assurer qu'on profitera nos vies sans attendre. Pendant que certaines fument, fument sur le doré. Certaines n'attendent que le premier pas pour s'élancer et danser. Il faut qu'on s'en mette une peu qu'adorer. T'imagines bien qu'on s'arrêtera pas plus tard qu'on attend les.